Section 13 de 93 par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Troisième partie, livre troisième, Le massacre de Saint-Barthélemy. Chapitre 1. Les enfants se réveillèrent. Ce fut d'abord la petite. Un réveil d'enfant, c'est une ouverture de fleurs. Il semble qu'un parfum sorte de ses fraîches âmes. Georgette, celle de 20 mois, la dernière née des trois, qui tétait encore en mai, souleva sa petite tête, se dressa sur son séant, regarda ses pieds et se mit à jaser. Un rayon du matin était sur son berceau. Il eût été difficile de dire quel était le plus rose, du pied de Georgette ou de l'Aurore. Les deux autres dormaient encore. C'est plus lourd, les hommes. Georgette, gaie et calme, jasait. René-Jean était brun. Gros Alain était châtain. Georgette était blonde. Ses nuances des cheveux, d'accord dans l'enfance avec l'âge, peuvent changer plus tard. René-Jean avait l'air d'un petit Hercule. Il dormait sur le ventre, avec ses deux poings dans ses yeux. Gros Alain avait les deux jambes hors de son petit lit. Tous trois étaient en haillons. Les vêtements que leur avait donnés le bataillon du bonnet rouge s'en étaient allés en loques. Ce qu'ils avaient sur eux n'était même pas une chemise. Les deux garçons étaient presque nus. Georgette était affublée d'une guenille qui avait été une jupe et qui n'était plus hier qu'une brassière. Qui avait soin de ses enfants? On eût pu le dire. Pas de mère. Ces sauvages paysans combattants, qui les traînaient avec eux de forêt en forêt, leur donnaient leur part de soupe. Voilà tout. Les petits s'en tiraient comme ils pouvaient. Ils avaient tout le monde pour maître et personne pour père. Mais les haillons des enfants, c'est plein de lumière. Ils étaient charmants. Georgette jasait. Ce qu'un oiseau chante, un enfant le jase, c'est le même hymne. Hymne indistinct, balbutié, profond. L'enfant a de plus que l'oiseau la sombre destinée humaine devant lui. De là, la tristesse des hommes qui écoutent, mêlée à la joie du petit qui chante. Le cantique le plus sublime qu'on puisse entendre sur la terre, c'est le bégaiement de l'âme humaine sur les lèvres de l'enfance. Ce chuchotement confus d'une pensée qui n'est encore qu'un instinct contient on ne sait quel appel inconscient à la justice éternelle. Peut-être est-ce une protestation sur le seuil avant d'entrer. Protestation humble et poignante. Cette ignorance, s'ouvriant à l'infini, compromet toute la création dans le sort qui sera fait à l'être faible et désarmé. Le malheur, s'il arrive, sera un abus de confiance. Le murmure de l'enfant, c'est plus et moins que la parole. Ce ne sont pas des notes et c'est un chant. Ce ne sont pas des syllabes et c'est un langage. Ce murmure a eu son commencement dans le ciel et n'aura pas sa fin sur la terre. Il est d'avant la naissance et il continue, c'est une suite. Ce bégaiement se compose de ce que l'enfant disait quand il était ange et de ce qu'il dira quand il sera homme. Le berceau a un « hier » de même que la tombe a un « demain ». Ce « demain » et cet « hier » amalgament dans ce gazouillement obscur leur double inconnu. Et rien ne prouve Dieu, l'éternité, la responsabilité, la dualité du destin, comme cette ombre formidable dans cette âme rose. Ce que balbutiait Georgette ne la tristait pas, car tout son doux visage était un sourire. Sa bouche souriait, ses yeux souriaient, les fossettes de ses joues souriaient. Il se dégageait de ce sourire une mystérieuse acceptation du matin, l'âme à foi dans le rayon. Le ciel était bleu, il faisait chaud, il faisait beau. La frêle créature, sans rien savoir, sans rien connaître, sans rien comprendre, mollement noyée dans la rêverie qui ne pense pas, se sentait en sûreté dans cette nature, dans ces arbres honnêtes, dans cette verdure sincère, dans cette campagne pure et paisible, dans ces bruits de nids, de sources, de mouches, de feuilles, au-dessus desquels resplendissait l'immense innocence du soleil. Après Georgette, René-Jean, l'aîné, le grand, qui avait 4 ans passé, se réveilla. Il se leva debout, enjamba virilement son berceau, aperçut son écuelle, trouva cela tout simple, s'assit par terre et commença à manger sa soupe. La jaserie de Georgette n'avait pas éveillé Gros Alain. Mais au bruit de la cuillère dans l'écuelle, il se retourna en sursaut et ouvrit les yeux. Gros Alain était celui de 3 ans. Il vit son écuelle. Il n'avait que le bras à étendre, il l'a pris et, sans sortir de son lit, son écuelle sur ses genoux, sa cuillère au poing, il fit comme René-Jean, il se mit à manger. Georgette ne les entendait pas, et les ondulations de sa voix semblaient moduler le bercement d'un rêve. Ses yeux grands ouverts regardaient en haut et étaient divins. quel que soit le plafond ou la voûte qu'un enfant a au-dessus de sa tête, ce qui se reflète dans ses yeux, c'est le ciel. Quand René-Jean eut fini, il gratta avec la cuillère le fond de l'écuelle, soupira et dit avec dignité « J'ai mangé ma soupe !» Ceci tira Georgette de sa rêverie. « Poup, poup » dit-elle. Et voyant que René-Jean avait mangé et que Gros Alain mangeait, elle prit l'écuelle de soupe qui était à côté d'elle et mangea, non sans porter sa cuillère beaucoup plus souvent à son oreille qu'à sa bouche. De temps en temps, elle renonçait à la civilisation et mangeait avec ses doigts. Gros Alain, après avoir, comme son frère, gratté le fond de l'écuelle, était allé le rejoindre et courait derrière lui. Chapitre 2. Tout à coup, on entendit au dehors, en bas, du côté de la forêt, un bruit de clairon, sorte de fanfare hautaine et sévère. À ce bruit de clairon, répondit du haut de la tour un son de trompe. Cette fois, c'était le clairon qui appelait, et la trompe qui donnait la réplique. Il y eut un deuxième coup de clairon, que suivit un deuxième son de trompe. Puis, de la lisière de la forêt, s'éleva une voix lointaine mais précise, qui cria distinctement ceci. « Brigand, sommation, si vous n'êtes pas rendu à discrétion au coucher du soleil, nous attaquons !» Une voix qui ressemblait à un grondement répondit, de la plateforme de la tour. « Attaquez !» La voix d'en bas reprit. « Un coup de canon sera tiré, comme dernier avertissement, une demi-heure avant l'assaut !» Et la voix d'en haut répéta. « Attaquez !» Ces voix n'arrivaient pas jusqu'aux enfants, mais le clairon et la trompe portaient plus haut et plus loin, et Georgette, au premier coup de clairon, dressa le cou et cessa de manger. Au son de trompe, elle posa sa cuillère dans son écuelle. Au deuxième coup de clairon, elle leva le petit index de sa main droite et, l'abaissant et le relevant tour à tour, marqua les cadences de la fanfare, que vint prolonger le deuxième son de trompe. Quand la trompe et le clairon se turent, elle demeura pensive, le doigt en l'air, et murmura à demi-voix « Musique !» Nous pensons qu'elle voulait dire « musique ». Les deux aînés, René-Jean et Gros Alain, n'avaient pas fait attention à la trompe et au clairon. Ils étaient absorbés par autre chose. Un cloporte était en train de traverser la bibliothèque. Gros Alain l'aperçut et cria « Une bête !» René-Jean accourut. Gros Alain reprit « Ça pique ! Ne lui fais pas de mal !» dit René-Jean. Et tous deux se mirent à regarder ce passant. Cependant, Georgette avait fini sa soupe. Elle chercha des yeux ses frères. René-Jean et Gros Alain étaient dans l'embrasure d'une fenêtre, accroupis et graves au-dessus du cloporte. Ils se touchaient du front et mêlaient leurs cheveux. Ils retenaient leur respiration, émerveillés, et considéraient la bête, qui s'était arrêtée et ne bougeait plus, peu contente de tant d'admiration. Georgette, voyant ses frères en contemplation, voulut savoir ce que c'était. Il n'était pas aisé d'arriver jusqu'à eux, elle l'entreprit pourtant. Le trajet était hérissé de difficultés. Il y avait des choses par terre, des tabourets renversés, des tas de paperasses, des caisses d'emballage déclouées et vides, des bahuts, des monceaux quelconques autour desquels il fallait cheminer. Tout un archipel d'écueils. Georgette s'y hasarda. Elle commença par sortir de son berceau, premier travail, puis elle s'engagea dans les récifs, serpenta dans les détroits, poussa un tabouret, rampa entre deux coffres, passa par-dessus une liasse de papier, grimpant d'un côté, roulant de l'autre, montrant avec douceur sa pauvre petite nudité, et parvint ainsi à ce qu'un marin appellerait la mer libre, c'est-à-dire à un assez large espace de plancher qui n'était plus obstrué et où il n'y avait plus de péril. Alors elle s'élança, traversa cet espace qui était tout le diamètre de la salle à quatre pattes, avec une vitesse de chat, et arriva près de la fenêtre. Là, il y avait un obstacle redoutable. La grande échelle gisante le long du mur venait aboutir à cette fenêtre, et l'extrémité de l'échelle dépassait un peu le coin de l'embrasure. Cela faisait, entre Georgette et ses frères, une sorte de cap à franchir. Elle s'arrêta et médita. Son monologue intérieur terminé, elle prit son parti. Elle empoigna résolument de ses doigts roses un des échelons, lesquels étaient verticaux et non horizontaux, l'échelle étant couchée sur un de ses montants. Elle essaya de se lever sur ses pieds et retomba. Elle recommença. Deux fois elle échoua. À la troisième fois elle réussit. Alors, droite et debout, s'appuyant successivement à chacun des échelons, elle se mit à marcher le long de l'échelle. Arrivée à l'extrémité, le point d'appui lui manquait. Elle trébucha, mais, saisissant de ses petites mains le bout du montant qui était énorme, elle se redressa, doubla le promontoire, regarda René-Jean et Gros Alain, et rit. Chapitre 3. En ce moment-là, René Jean, satisfait du résultat de ses observations sur le cloporte, relevait la tête et disait « C'est une femelle !» Le rire de Georgette fit rire René Jean, et le rire de René Jean fit rire Gros Alain. Georgette opéra sa jonction avec ses frères, et cela fit un petit cénacle, assis par terre. Mais le cloporte avait disparu. Il avait profité du rire de Georgette pour se fourrer dans un trou du plancher. D'autres événements suivirent le cloporte. D'abord, des hirondelles passèrent. Leur nid était probablement sous le rebord du toit. Elles vinrent voler tout près de la fenêtre, un peu inquiètes des enfants, décrivant de grands cercles dans l'air et poussant leurs doux cris du printemps. Cela fit lever les yeux aux trois enfants et le cloporte fut oublié. Georgette braqua son doigt sur les hirondelles et cria « Coco !» René Jean la réprimanda. « Mademoiselle, on ne dit pas des cocos, on dit des oiseaux. « Zozo !» dit Georgette. Et tous trois regardèrent les hirondelles. Puis, une abeille entra. Rien ne ressemble à une âme comme une abeille. Elle va de fleur en fleur, comme une âme d'étoile en étoile, et elle rapporte le miel, comme l'âme rapporte la lumière. Celle-ci fit grand bruit en entrant. Elle bourdonnait à voix haute, et elle avait l'air de dire « J'arrive, je viens de voir les roses, maintenant je viens voir les enfants, qu'est-ce qui se passe ici ?» Une abeille, c'est une ménagère, et cela gronde en chantant. Tant que l'abeille fut là, les trois petits ne la quittèrent pas des yeux. L'abeille explora toute la bibliothèque, fureta les recoins, volta ayant l'air d'être chez elle et dans une ruche, et rôda, ailée et mélodieuse, d'armoire en armoire, regardant à travers les vitres les titres des livres, comme si elle eût été un esprit. Sa visite faite, elle partit. « Elle va dans sa maison, » dit René Jean. « C'est une bête, » dit Gros Alain. « Non, » repartit René Jean, « c'est une mouche. »« Muche !» dit Georgette. Là-dessus, Gros Alain, qui venait de trouver à terre une ficelle, à l'extrémité de laquelle il y avait un nœud, prit entre son pouce et son index le bout opposé au nœud, fit de la ficelle une sorte de moulinet et la regarda tourner avec une attention profonde. De son côté, Georgette, redevenue quadrupède et ayant repris son va-et-vient capricieux sur le plancher, avait découvert un vénérable fauteuil de tapisserie mangé des vers, dont le crin sortait par plusieurs trous. Elle s'était arrêtée à ce fauteuil. Elle élargissait les trous et tirait le crin avec recueillement. Brusquement, elle leva un doigt, ce qui voulait dire « Écoutez !» Les deux frères tournèrent la tête. Un fracas vague et lointain s'entendait au dehors. C'était probablement le camp d'attaque qui exécutait quelques mouvements stratégiques dans la forêt. Des chevaux hennissaient, des tambours battaient, des caissons roulaient, des chaînes s'entre-heurtaient, des sonneries militaires s'appelaient et se répondaient. Confusion de bruits farouches qui, en se mêlant, devenaient une sorte d'harmonie. Les enfants écoutaient, charmés. « C'est le mon Dieu qui fait ça !» dit René Jean. Chapitre 4. Le bruit cessa. René Jean était demeuré rêveur. Comment les idées se décomposent-elles et se recomposent-elles dans ces petits cerveaux-là? Quel est le remuement mystérieux de ces mémoires si troubles et si courtes encore? Il se fit dans cette douce tête pensive un mélange du mon Dieu, de la prière, des mains jointes, dont ne sait quel tendre sourire qu'on avait sur soi autrefois et qu'on n'avait plus. Et René Jean chuchota à demi-voix. « Maman !» « Maman !» dit Gros Alain. « Maman !» dit Georgette. Et puis René Jean se mit à sauter. Ce que voyant, Gros Alain sauta. Gros Alain reproduisait tous les mouvements et tous les gestes de René Jean. Georgette, moins. 3 ans, cela copie 4 ans. Mais 20 mois, cela garde son indépendance. Georgette restait assise, disant de temps en temps un mot. Georgette ne faisait pas de phrases. C'était une penseuse. Elle parlait par apophthegme. Elle était monosyllabique. Au bout de quelque temps, néanmoins, l'exemple la gagna, et elle finit par tâcher de faire comme ses frères. Et ses trois petites paires de pieds nus se mirent à danser, à courir et à chanceler dans la poussière du vieux parquet de chêne poli, sous le grave regard des bustes de marbre, auxquels Georgette jetait de temps en temps de côté un œil inquiet en murmurant « Les momomes !» Dans le langage de Georgette, un momome, c'était tout ce qui ressemblait à un homme et pourtant n'en était pas un. Les êtres n'apparaissent à l'enfant que mêlés aux fantômes. Georgette, marchant moins qu'elle n'oscillait, suivait ses frères, mais plus volontiers à quatre pattes. Subitement, René Jean, s'étant approché d'une croisée, leva la tête puis la baissa, et alla se réfugier derrière le coin du mur de l'embrasure de la fenêtre. Il venait d'apercevoir quelqu'un qui le regardait. C'était un soldat bleu du campement du plateau qui, profitant de la trêve et l'enfreignant peut-être un peu, s'était hasardé jusqu'à venir au bord de l'escarpement du ravin, d'où l'on découvrait l'intérieur de la bibliothèque. Voyant René Jean se réfugier, Gros Alain se réfugia. Il se blottit à côté de René Jean, et Georgette vint se cacher derrière eux. Ils demeurèrent là, en silence, immobiles, et Georgette mit son doigt sur ses lèvres. Au bout de quelques instants, René Jean se risqua à avancer la tête. Le soldat y était encore. René Jean rentra sa tête vivement, et les trois petits n'osèrent plus souffler. Cela dura assez longtemps. Enfin, cette peur ennuya Georgette. Elle eut de l'audace, elle regarda. Le soldat s'en était allé. Ils se remirent à courir et à jouer. Gros Alain, bien qu'imitateur et admirateur de René Jean, avait une spécialité, les trouvailles. Son frère et sa sœur le virent tout à coup caracoler éperdument en tirant après lui un petit chariot à quatre roues qu'il avait déterré je ne sais où. Cette voiture à poupée était là depuis des années dans la poussière, oubliée, faisant bon voisinage avec les livres des génies et les bus des sages. C'était peut-être un des hochets avec lequel avait joué Gauvin, enfant. Gros Alain avait fait de sa ficelle un fouet qu'il faisait claquer. Il était très fier. Tels sont les inventeurs. Quand on ne découvre pas l'Amérique, on découvre une petite charrette, c'est toujours cela. Mais il fallut partager. René Jean voulut s'atteler à la voiture et Georgette voulut monter dedans. Elle essaya de s'y asseoir. René Jean fut le cheval, Gros Alain fut le cocher. Mais le cocher ne savait pas son métier. Le cheval ne lui apprit. René Jean cria à Gros Alain, « Dis, répéta Gros Alain. La voiture versa. Georgette roula. Cela crie les anges. Georgette cria. Puis, elle eut une vague envie de pleurer. « Mademoiselle, » dit René Jean, « vous êtes trop grande. »« J'ai grande, » fit Georgette. Et sa grandeur la consola de sa chute. La corniche d'entablement, au-dessous des fenêtres, était fort large. La poussière des champs, envolée du plateau de bruyère, avait fini par s'y amasser. Les pluies avaient refait de la terre avec cette poussière, le vent y avait apporté des graines, si bien qu'une ronce avait profité de ce peu de terre pour pousser là. Cette ronce était de l'espèce vivace, dite « mûrier du renard ». On était en août, la ronce était couverte de murs, et une branche de la ronce entrait par une fenêtre. Cette branche pendait presque jusqu'à terre. Gros Alain, après avoir découvert la ficelle, après avoir découvert la charrette, découvrit cette ronce. Il s'en approcha. Il cueillit une mûre et la mangea. « J'ai faim !» dit René Jean. Et Georgette, galopant sur ses genoux et sur ses mains, arriva. À eux trois, ils pillèrent la branche et mangèrent toutes les mûres. Ils s'en grisèrent et s'en barbouillèrent, et, tout vermeil de cette pourpre de la ronce, ces trois petits séraphins finirent par être trois petits faunes, ce qui eut choqué Dante et charmé Virgile. Ils riaient aux éclats. De temps en temps, la ronce leur piquait les doigts, rien pour rien. Georgette tendit à René Jean son doigt où perla une petite goutte de sang, et dit en montrant la ronce « Pique !» Gros Alain, piqué aussi, regarda la ronce avec défiance et dit « C'est une bête !»« Non !» répondit René Jean, « c'est un bâton !»« Un bâton, c'est méchant !» reprit Gros Alain. Georgette, cette fois encore, eut envie de pleurer, mais elle se mit à rire. Chapitre 5. Cependant, René Jean, jaloux peut-être des découvertes de son frère cadet Gros Alain, avait conçu un grand projet. Depuis quelque temps, tout en cueillant des mûres et en se piquant les doigts, ses yeux se tournaient fréquemment du côté du lutrin pupitre, monté sur pivot et isolé comme un monument au milieu de la bibliothèque. C'est sur ce lutrin que s'étalait le célèbre volume Saint-Barthélemy. C'était vraiment un in-quarto magnifique et mémorable. Ce Saint-Barthélemy avait été publié à Cologne par le fameux éditeur de la Bible de 1682, Bleuve, en latin Coesius. Il avait été fabriqué par des presses à boîte et à nerf de bœuf. Il était imprimé, non sur papier de Hollande, mais sur ce beau papier arabe, si admiré par Idrisi, qui est en soie et coton et toujours blanc. La reliure était du cuir doré et les fermoirs étaient d'argent. Les gardes étaient de ce parchemin que les parcheminiers de Paris faisaient serment d'acheter à la salle Saint-Mathurin et Pointailleur. Ce volume était plein de gravures sur bois et sur cuivre et de figures géométriques de beaucoup de pays. Il était précédé d'une protestation des imprimeurs, papetiers et libraires contre l'édit de 1635 qui frappait d'un impôt les cuirs, les bières, le pied fourché, le poisson de mer et le papier. Et au verso du frontispice, on lisait une dédicace adressée aux griffes, qui sont à Lyon ce que les Elsevirs sont à Amsterdam. De tout cela, il résultait un exemplaire illustre, presque aussi rare que l'apostole de Moscou. Ce livre était beau. C'est pourquoi René-Jean le regardait, trop haut peut-être. Le volume était précisément ouvert à une grande estampe, représentant Saint Barthélemy portant sa peau sur son bras. Cette estampe se voyait d'en bas. Quand toutes les murs furent mangées, René-Jean la considéra avec un regard d'amour terrible. Et Georgette, dont l'œil suivait la direction des yeux de son frère, aperçut l'estampe et dit « J'image !» Ce mot sembla déterminer René-Jean. Alors, à la grande stupeur de Gros Alain, il fit une chose extraordinaire. Une grosse chaise de chêne était dans un angle de la bibliothèque. René-Jean marcha à cette chaise, la saisit et la traîna à lui tout seul jusqu'au pupitre. Puis, quand la chaise toucha le pupitre, il monta dessus et posa ses deux poings sur le livre. Parvenu à ce sommet, il sentit le besoin d'être magnifique. Il prit la J'image par le coin d'en haut et la déchira soigneusement. Cette déchirure de Saint-Barthélemy se fit de travers, mais ce ne fut pas la faute de René-Jean. Il laissa dans le livre tout le côté gauche, avec un œil et un peu de l'auréole du vieil évangéliste apocryphe, et offrit à Georgette l'autre moitié du sein et toute sa peau. Georgette reçut le sein et dit « Mon homme !»« Et moi ?» cria Gros Alain. Il en est de la première page arrachée, comme du premier sang versé. Cela décide le carnage. René-Jean tourna le feuillet. Derrière le sein, il y avait le commentateur, Panthénus. René-Jean décerna Panthénus à Gros Alain. Cependant, Georgette déchira son grand morceau en deux petits, puis les deux petits en quatre. Si bien que l'histoire pourrait dire que Saint-Barthélemy, après avoir été écorché en Arménie, fut écartelé en Bretagne. Chapitre 6. L'écartèlement terminé, Georgette tendit la main à René-Jean et dit « Encore !» Après le saint et le commentateur venaient, portrait réverbatif, le glossateur. Le premier en date était Gaventus. René-Jean l'arracha et mit dans la main de Georgette Gaventus. Tous les glossateurs de Saint-Barthélemy y passèrent. Donner est une supériorité. René-Jean ne se réserva rien. Gros Alain et Georgette le contemplaient. Cela lui suffisait. Il se contenta de l'admiration de son public. René-Jean, inépuisable et magnanime, offrit à Gros Alain Fabricio Pignatelli et à Georgette le père Stilting. Il offrit à Gros Alain Alphonse Sosta et à Georgette Cornelius à Lapide. Gros Alain eut Henri Hamon et Georgette eut le père Roberti, augmenté d'une vue de la ville de Douai où il naquit en 1619. Gros Alain reçut la protestation des papetiers et Georgette obtint la dédicace aux griffes. Il y avait aussi des cartes. René-Jean les distribua. Il donna l'Éthiopie à Gros Alain et la Lycaonie à Georgette. Cela fait, il jeta le livre à terre. Ce fut un moment effrayant. Gros Alain et Georgette virent, avec une extase mêlée d'épouvante, René-Jean froncer ses sourcils, roidir ses jarrets, crisper ses poings et pousser hors du lutrin l'in-quarto massif. Un bouquin majestueux qui, par contenance, est tragique. Le lourd volume désarçonné pendit un moment, hésita, se balança, puis s'écroula, et rompu, froissé, lacéré, déboîté dans sa reliure, disloqué dans ses fermoirs, s'aplatit lamentablement sur le plancher. Heureusement, il ne tomba point sur eux. Ils furent éblouis, point écrasés. Toutes les aventures des conquérants ne finissent pas aussi bien. Comme toutes les gloires, cela fit un grand bruit et un nuage de poussière. Ayant terrassé le livre, René-Jean descendit de la chaise. Il y eut un instant de silence et de terreur. La victoire à ses effrois. Les trois enfants se prirent les mains et se tinrent à distance, considérant le vaste volume démantelé. Mais, après un peu de rêverie, Gros Alain s'approcha énergiquement et lui donna un coup de pied. Ce fut fini. L'appétit de la destruction existe. René-Jean donna son coup de pied. Georgette donna son coup de pied, ce qui la fait tomber par terre, mais assise. Elle en profita pour se jeter sur Saint-Barthélemy. Tout prestige disparut. René-Jean se précipita. Gros Alain se roi est joyeux, éperdu, triomphant, impitoyable, déchirant les estampes, balafrant les feuillets, arrachant les signets, égratignant la reliure, décollant les cuirs dorés, déclouant les clous des coins d'argent, cassant le parchemin, déchiquetant le texte auguste, travaillant des pieds, des mains, des ongles, des dents, riant, rose, féroce. Les trois anges de proie s'abattirent sur l'évangéliste sans défense. Ils anéantirent l'Arménie, la Judée, le Bénévent où sont les reliques du saint, Nathanaël, qui est peut-être le même que Barthélemy, le pape Gélase, qui déclara apocryphe l'évangile Barthélemy-Nathanaël, toutes les figures, toutes les cartes, et l'exécution inexorable du vieux livre les absorba tellement qu'une souris passa sans qu'ils y prissent garde. Ce fut une extermination. Taillée en pièces l'histoire, la légende, la science, les miracles vrais ou faux, le latin d'église, les superstitions, les fanatismes, les mystères, déchirer toute une religion de haut en bas, c'est un travail pour trois géants, et même pour trois enfants. Les heures s'écoulèrent dans ce labeur, mais ils en vinrent à bout. Rien ne resta de Saint-Barthélemy. Quand ce fut fini, quand la dernière page fut détachée, quand la dernière estampe fut par terre, quand il ne resta plus du livre que des tronçons de textes et d'images dans un squelette de reliure, René Jean se dressa debout, regarda le plancher jonché de toutes ses feuilles éparses et battit des mains. Gros Alain battit des mains. Georgette prit à terre une de ses feuilles, se leva, s'appuya contre la fenêtre qui lui venait au menton et se mit à déchiqueter par la croisée la grande page en petits morceaux. Ce que voyant, René Jean et Gros Alain en firent autant. Ils ramassèrent et déchirèrent, ramassèrent encore et déchirèrent encore par la croisée comme Georgette. Et page à page, émietté par ses petits doigts acharnés, presque tout l'antique livre s'envola dans le vent. Georgette, pensive, regarda ses essaims de petits papiers blancs se disperser à tous les souffles de l'air et dit « Papillon !» Et le massacre se termina par un évanouissement dans l'azur. Chapitre 7. Telle fut la deuxième mise à mort de Saint-Barthélemy, qui avait été déjà une première fois martyr l'an 49 de Jésus-Christ. Cependant, le soir venait, la chaleur augmentait, la sieste était dans l'air, les yeux de Georgette devenaient vagues. René Jean alla à son berceau, en tira le sac de paille qui lui tenait les lieux de matelas, le traîna jusqu'auprès de la fenêtre, s'allongea dessus et dit « Couchons-nous » Gros Alain mit sa tête sur René Jean, Georgette mit sa tête sur Gros Alain, et les trois malfaiteurs s'endormirent. Les souffles tièdes entraient par les fenêtres ouvertes. Des parfums de fleurs sauvages, envolés des ravins et des collines, erraient, mêlés aux haleines du soir. L'espace était calme et miséricordieux, tout rayonnait, tout s'apaisait, tout aimait tout. Le soleil donnait à la création cette caresse, la lumière. On percevait par toutes les pores l'harmonie qui se dégage de la douleur colossale des choses. Il y avait de la maternité dans l'infini. La création est un prodige en plein épanouissement. Elle complète son énormité par sa bonté. Il semblait que l'on sentît quelqu'un d'invisible prendre ces mystérieuses précautions qui, dans le redoutable conflit des êtres, protègent les chétifs contre l'effort. En même temps, c'était beau. La splendeur égalait la mansuétude. Le paysage, ineffablement assoupi, avait cette moire magnifique que font sur les prairies et sur les rivières les déplacements de l'ombre et de la clarté. Les fumées montaient vers les nuages, comme des rêveries vers des visions. Des vols d'oiseaux tourbillonnaient au-dessus de la tourgue. Les hirondelles regardaient par les croisées et avaient l'air de venir voir si les enfants dormaient bien. Ils étaient gracieusement groupés l'un sur l'autre, immobiles, demi-nus, dans des poses d'amour. Ils étaient adorables et purs. À eux trois, ils n'avaient pas 9 ans. Ils faisaient des songes de paradis qui se reflétaient sur leurs bouches en bas de sourire. Dieu leur parlait peut-être à l'oreille. Ils étaient ceux que toutes les langues humaines appellent les faibles et les bénis. Ils étaient les innocents vénérables. Tout faisait silence, comme si le souffle de leur douce poitrine était l'affaire de l'univers et était écouté de la création entière. Les feuilles ne bruissaient pas, les herbes ne frissonnaient pas. Il semblait que le vaste monde étoilé retint sa respiration pour ne point troubler ces trois humbles dormeurs angéliques. Et rien n'était sublime comme l'immense respect de la nature autour de cette petitesse. Le soleil allait se coucher et touchait presque à l'horizon. Tout à coup, dans cette paix profonde, éclata un éclair qui sortit de la forêt, puis un bruit farouche. On venait de tirer un coup de canon. Les échos s'emparèrent de ce bruit et en firent un fracas. Le grondement prolongé de colline en colline fut monstrueux. Il réveilla Georgette. Elle souleva un peu sa tête, dressa son petit doigt, écouta et dit « Poum !» Le bruit cessa. Tout rentra dans le silence. Georgette remit sa tête sur Gros Alain et se rendormit. Fin de la section 13.